C'était la première soirée du tournoi Bantam. On en parle avec notre ami Pierre-Luc Ménard. Comment on le fait à tous les jours? Salut Pierre-Luc. Pierre-Luc, il y avait deux matchs au programme, donc si on y allait avec les pointages. Oui, donc dans la catégorie, dans Bantam A, les Aiglons d'Allemagne ont vaincu les Sables de Robert-Val au compte de 6 à 4. Et bon, premier match pour notre équipe locale, les Éperviennes de Normandin qui ont défait les Centurions d'Allemagne 3 à 2. OK, 3 à 2. Est-ce que tu as des marqueurs? Est-ce que tu as quelques marqueurs, non? J'ai pas de marqueur. OK, effectivement. Donc, est-ce que l'assistance... Les joueurs du match sont sur la page Facebook, là, donc on va essayer de mettre ça à jour. Là, c'est le fun quand même pour les jeunes, ils aiment ça, se faire identifier, tout ça. Fait que je sais que pour les Éperviers, notre équipe locale, le joueur du match a été Olivier Laprise. Olivier Laprise, OK. Donc, si on y allait maintenant avec... est-ce qu'il y avait beaucoup de monde hier au tournoi Bantam, premier âge? Oui, ça a été une bonne belle rentrée. C'est sûr que quand on a une équipe locale, ben oui, là, donc bon. On attire un peu plus de monde. Là, donc on est très satisfait de notre première soirée. On s'est bien rodé. OK. Si on y allait maintenant avec le prix d'entrée, comment ça coûte pour assister à vos matchs? Donc pour le passeport, pour tout le tournoi, c'est 15$ pour les adultes, 5$ pour les enfants, les adolescents 13-17 ans. Puis il y a une passe journalière aussi. Pour 6$ pour les adultes et 2$ pour les ados 13. OK. Donc, si on y allait maintenant avec... on va rappeler les gens qui veulent assister ou encore voir en direct qu'est-ce qui se passe. Il y a un site Internet et il y a une page Facebook. Donc, vas-y avec les adresses. Oui. Donc, la page Facebook, c'est Tournoi Hockey Bantam de l'Ouest. OK. Donc, on va être à jour, on va être actif. Il n'y a pas de la page, tout ça. Donc, puis on a aussi un beau site Internet, là, le tournoi hockeybantam.com. OK. Et aussi, on peut remercier quelques commanditaires qui rendent possible l'événement. Donc, je pense qu'on les a vus, là, il y a Toiture Gilles Veilleux, il y a également les promenades du boulevard, il y a Jean Coutu, je pense, aussi. Oui, Jean Coutu sont là. Nos commanditaires majeurs pour cette année, ouais. Donc on les remercie beaucoup. Là, SBL Avocat, évidemment, oui. Président d'honneur, Maître Isabelle Boisla, qui ont encore une fois cette année nous soutient de tous les côtés, là, autant financièrement que bénévolement avec Isabelle. Puis son grande implication, on a Bras du Résolu et aussi IGA, Jean-Marie Rambé-Fils, qui sont encore là une fois cette année, qui nous soutient ça fait importance. Okay. Donc, pour nos majeurs, c'est ça. Ils sont encore là, sont sur notre site Internet. On essaie de leur donner l'affichage le meilleur affichage possible parce que sans eux, ce serait impossible de faire un événement de cette envergure-là. Okay. Donc, on rappelle évidemment que ça se poursuit. Il y a combien de matchs ce soir? Donc, on a encore deux matchs ce soir. Donc, catégorie 2C, donc ça va être intéressant. Autre qualité de jeu. Donc, pour les gens qui n'ont pas encore vu du jeu 2C, là, que cette année, un petit peu changement, au niveau des contacts, tout ça, avec Hockey Québec, ouais. Ça fait du jeu un peu plus rapide, plus intéressant, différent. On a les Jonquières, les Orioles qui vont rendre visite aux Orioles Reckling de Mastoyache. Donc, nos champions en titre de l'année passée. Un petit peu moins fort cette année. Ils ont beaucoup de joueurs qui sont en 2A. Puis on a aussi à 7h20, donc notre équipe locale, le premier match, les Patriotes de Saint-Gaudens, une très bonne équipe. Qui vont affronter nos rapides de debout. OK. Pierre-Luc, on se parle même poste demain. Okay, Pierre-Luc Ménard, le président du tournoi Bantam Optimiste.